Scapin lui remet la tête dans le sac. « Prenez garde, en voici un autre qui est l'ami d'un étranger. » Cet endroit est du même de celui du Gascon pour le changement de langage et le jeu du théâtre. « Parti ? Moi courir comme une basque, et moi ne pouvoir point trop faire de tout le jour si c'est âme des Gironde. Cachez-vous bien, dites-moi un peu fou, monsieur l'homme, s'il vous plaît. Vous savoir point où l'esti Gironde que moi chercher ? Non, monsieur, je ne sais point où Gironde. Dites-le-moi, fou, franchement, moi, il faut louer pas grand-chose à lui. Les seulement pour lui donner un petit régal sur le dos d'une douzaine de coups de bastonne et de trois ou quatre petits coups d'épée au travers de son poitrine. Je vous assure, monsieur, que je ne sais pas où il est. Il me semble que j'y vois remuer quelque chose dans six sacs. Pardonnez-moi, monsieur, il y est assurément quelque histoire là-dedans. Point du tout, monsieur. Moi, la foire en fille, de donner un coup d'épée dans six sacs. « Ah, monsieur, gardez-vous-en bien. Montre-le-moi un peu fou, ce que c'est qu'être là. Tout beau, monsieur. Comment, tout beau? Vous n'avez que faire de vouloir voir ce que je porte. Et moi, je le fouloir foire, moi. Vous ne le verrez point. Ah, que de baninement! Ce sont hardes qui m'appartiennent. Montre-moi. Montrez, vous dis-je. Je n'en ferai rien. Toi, ne faire rien. Non, moi, pailler de ce bastonne, dessus les épaules de toi. Je me moque de cela. Ah, toi, faire le troll. Aïe, aïe, aïe. Ah, monsieur, ah, ah. Donnant des coups de bâton sur le sac et criant comme s'il recevait. Jusqu'au refoir. L'être là un petit leçon pour lui apprendre à toi, à parler insolentement. Ah, peste soit du baragouineux. Ah. Gironde, sortant la tête du sac. Ah, je suis roué. Ah, je suis mort. Pourquoi diantre faut-il qu'il frappe sur mon dos ? Scapin, lui remettant la tête dans le sac. Prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tous ensemble. Il contrefait plusieurs personnes ensemble. Allons, tâchons à trouver ces Gironde, cherchons partout. N'épargnons point nos pas, courons toute la ville. N'oublions que lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés, par où irons-nous ? Tournons par là, non, par ici, à gauche, à droite, nani, si fait. Gironde avec son ordinaire. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, ne me maltraitez point. Ah, dis-nous qui où il est. Parle, hâte-toi. Expédions, dépêche vite, tôt. Eh, messieurs, doucement. Gironde met doucement la tête hors du sac et aperçoit la fourberie des Scapins. Si tu nous fais trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton. J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir mon maître. Nous allons t'assommer. Faites tout ce qu'il vous plaira. Tu as envie d'être battu. Je ne trahirai point mon maître. Ah, tu en veux tâter. Voilà. Oh ! Comme il est prêt de frapper, Gironde sort du sac et Scapin s'enfuit. Ah, infâme ! Ah, traître ! Ah, scélérat ! C'est ainsi que tu m'assassines. Tout va très mal pour Scapin. Par contre, grâce à l'argent qu'il a fait obtenir à Léandre, son maître, celui-ci va pouvoir épouser celle qu'il aime. Pour être pardonné, Scapin va simuler la mort, et une fois pardonné, il pourra revivre et participer au festin nuptial de son maître.